Et voici une bonne nouvelle. Le logiciel A4 d'Intel a permis à l'astrophysicien Stephen Hawking de ne pas se couper du monde. Il porte le doux nom d'A4 et a changé la vie de l'astrophysicien Stephen Hawking. Quand l'auteur d'Une brève histoire du temps a été de plus en plus handicapé par sa dystrophie neuromusculaire, l'apparition du logiciel d'assistance vocale A4, pour Assistive Context Aware Toolkit, lui a permis de maintenir une conversation relativement fluide avec son entourage. Grâce à ce système, une caméra vidéo retranscrit les mouvements du visage. Pour Hawking, les contractions d'une de ses joues, en texte. Intel, à l'origine du logiciel, a annoncé qu'elle mettait de logiciel en accès libre. Pour l'utiliser, il suffit désormais de le télécharger et de l'installer sur un PC équipé de Windows et d'une webcam. L'objectif est autant scientifique qu'humaniste, souligne le site américain Wired. En mettant en open source son travail, Intel Lab souhaite que des développeurs s'en emparent et améliorent encore un logiciel qui pourrait désormais être à la portée de millions d'handicapés.